Le phénomène auquel on assiste actuellement n'est pas un phénomène si organisé qu'on pense. Il s'agit de radicalisation domestique, souvent sur la base d'initiatives individuelles mal informées ou mal influencées, on le sait, notamment par le web. Alors, il faut qu'on travaille en amont dans les communautés, ce que nous faisons, ce que nous allons continuer de faire. Donc, travailler d'abord et avant tout sur la sécurité, mais également en amont dans les communautés. Sur le plan de la laïcité et de son expression, les sociétés sont différentes, les solutions ou les propositions varient. Ce qui est en commun, c'est une lutte sans compromis contre le terrorisme et la criminalité, la protection de nos populations et l'intervention préventive en amont dans les communautés. Monette. Il aimerait bien ça, lui aussi, jouer au hockey le midi. Mais il peut pas. Monette. Il est live. Radio X. 1h47 dans Monette. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait. En fait, ça s'est pas passé aujourd'hui. C'était à la conférence de presse hier avec M. François Hollande, le président français, et notre premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. C'est hier. Je voulais vous en parler hier. Finalement, j'ai décidé d'attendre pour vous en parler aujourd'hui. Ce que vous avez entendu, c'est un extrait. Puis on parle beaucoup de radicalisation, on parle... Puis plus ça va, puis je suis tellement content. Je suis content, mais en même temps, j'ai-tu le droit de dire que ça me fait chier? J'ai-tu le droit de dire ça à la radio que ça me fait chier? Ça ou fait... ça fait partie des mots que je peux pas utiliser? Tu peux dire comme ça me monsieur... fait suer. Comme Monsieur Gass. Ça te fait suer et ensuite, ouais, tu appelles le mot suer. C-H-I-E-R. Voilà. OK, bon, parfait. Ben ça me fait suer. C-H-I-E-R. Je trouve que c'est une maudite bonne idée. Puis on va reparler avec Richard Descaries un petit peu plus tard. Ce qui me fait le plus suer, C-H-I-E-R, là. Ah, j'aime ça. Je commence à y prendre goût. Ouais. Bon, essayer de pas trop le brûler, celle-là, comme j'ai brûlé le thème hier des échanges au hockey, là. Ouais, mais c'était correct, là. C'était parfait. Ce qui me fâche le plus dans ce qui se passe présentement avec, bon, l'État islamique, avec des imams ici au Québec, avec des gens qui sortent dans les médias puis qui vont vous dire « Oh, faut faire attention, hein, faut lutter contre l'islamophobie. » Puis on sait que tous ces gens-là, la majorité des gens qui sortent, ont des agendas cachés. Ce qui me fait suer, c'est que ça fait à peu près 2 ans que je sors d'informations là-dessus, que je vous mets des graphiques sur Internet. Je comprends, j'étais pas ici, j'étais pas dans la région de Québec, j'étais dans la région de Montréal. Tout ce qui sort présentement, tous les gens qui sont visés par les reportages du Journal de Montréal, par les reportages de TVA, par quelques reportages de Radio-Canada, mais sont un petit peu plus frileux eux autres, par des reportages de la presse, c'est toutes des choses que j'ai sorties puis qu'on a sorties avec Richard depuis la dernière année et demie. Puis d'ailleurs, on parle beaucoup là ces temps-ci de la montée de la radicalisation, des écoles où ce qu'on enseigne le Coran. On parle beaucoup d'Adil Sharkawi. Adil Sharkawi fait des années que je suis sur son dossier, que je sors des extraits, que je regarde des endroits où ce qu'il a fréquenté. On faisait absolument rien. Mais je suis content, au moins on se réveille. Vous vous réveillez, médias de masse. Un an et demi en retard, mais c'est pas grave. À un moment donné, hein, je me dis que les gens vont se réveiller un jour. Dans le temps, on me traitait de « bon, check-les encore, qui commence à inventer la théorie du complot ». Je veux pas être plate, là, mais ça me donne pas mal raison avec tout ce qui sort présentement. Puis soyez prudents, là. Puis là, je m'adresse aux médias de masse. Ils commencent à sortir des choses intéressantes, là. Sauf qu'ils font leur job à moitié. C'est ça que je déplore. Tu te souviens quand on avait parlé des écoles où on enseignait le Coran? Puis si je me trompe pas, des mosquées qui étaient subventionnées par des gens en lien avec Présence musulmane, avec les Frères musulmans, qui étaient en lien avec l'État islamique. Puis on avait parlé avec Monsieur Jonca du Journal de Montréal. Hugo Jonca. C'était Hugo Jonca qui veut plus nous parler, hein, parce qu'il trouve que j'étais bête la dernière fois que j'ai fait une entrevue avec. Ouais, pourtant, j'étais gentil avec, là. Puis j'ai juste demandé s'il connaissait l'association Bridge, mais il a pas aimé mon entrevue. C'est parce qu'en fait, dans son article, pour décrier ça, il va jaser avec Samira Laouni. Tu sais, Samira Laouni, on entend parler beaucoup dans les médias parce qu'elle était avec Philippe Couillard puis Kathleen Vell quand ils ont fait leur conférence de presse pour annoncer qu'on était pour créer un groupe pour essayer de lutter contre la radicalisation. Christy, tu prends quelqu'un qui a milité pour la charia. Comment tu veux lutter contre la radicalisation quand, en fait, tu prends une femme qui a milité pour l'instauration de la charia, les tribunaux islamiques en Ontario? Comment après ça tu veux lui demander d'essayer de vérifier comment qu'on peut contrer la montée de la radicalisation quand elle-même prône pour la charia? Faut faire attention, là, les gens à qui on va poser certaines questions, là. Les premiers qui se garochent dans les médias, c'est pas nécessairement la réalité, là. C'est pas nécessairement uniquement des musulmans corrects, comme on dit, là. Souvent, ils se cachent quelque chose en arrière de ça. Ça fait la même chose quand, d'ailleurs, je vous ai mis un nouveau graphique sur mon Facebook. En fait, c'est pas un nouveau graphique. C'est le même graphique que j'ai mis le 19 janvier dernier. C'est le même graphique que j'ai mis l'année passée quand j'étais à Montréal. Ce graphique-là, ça doit faire à peu près un an et demi qu'on l'a créé pour vous montrer un peu, bon, c'est compliqué, puis il y a des noms là-dedans, puis il y a des visages, puis on essaye de mettre des liens, puis de comprendre, parce que ce dossier-là, c'est compliqué. Ce dossier-là, quand t'as pas d'informations, quand tu prends pas le temps de fouiller comme il faut, des fois, tu te dis... Ouais, c'est qui lui? El Maniaoui, puis Charkaoui, puis la mosquée Souna, puis c'est compliqué un peu, puis des organismes. Mais il y a un graphique qu'on avait fait dans le temps, je l'ai ressorti au mois de janvier. Tu peux le partager, puis oui, sur notre page. On l'avait partagé, si je me trompe pas, aussi dans le au mois de janvier là. Oui, mais en rappel, ça fait toujours du bien. Sur notre page Facebook, un petit rappel, un peu, pour voir également que Québec solidaire sont tout le temps autour. Hein? C'est mon fameux dossier islamo-gauchiste que vous pouvez aller admirer sur notre page Facebook. Hier, Philippe Lessard, c'est un gars que je respecte beaucoup, puis j'ai aucun problème avec lui. En fait, je sais pas s'il y en a avec moi, mais aux dernières nouvelles, j'y ai jamais parlé. Mais j'aime bien les articles que Philippe Lessard fait. Et en fin de semaine, hier matin, il a publié un texte où ce qu'on dit que l'extrême droite se réunit à Montréal. Puis c'est intéressant, c'est un Christy de bon texte. Il y en a des débiles, hein. On parle souvent de l'extrême gauche, là, mais de l'extrême droite, m'a dit une affaire. Sont fuckés, hein, s'il vous plaît. Et là, il y avait, bon, il était réuni à Montréal. On parle de groupes identitaires de Québec, de la France, des militants néo-fascistes italiens qui se sont ramassés à Montréal. Il y avait le groupe Légitime Violence qui était là, puis ils ont invité là le groupe In Memoriam. Bref, eux autres, là, ils prônent. En fait, on dit pas, puis ça c'est drôle, hein, ils disent pas que c'est des néo-nazis, mais ils se nomment des anti-antifascistes. Comprenez le message, c'est pas mal la même audite affaire, là. Puis si l'extrême gauche est dangereuse, l'extrême droite l'est tout autant. Le seul problème là-dedans, c'est qu'à la fin de l'article de Philippe Lessard, je vais juste vous lire un bout de l'article. À Montréal, des institutions représentatives de groupes minoritaires se sont dites inquiètes par la présence des groupes d'extrême droite dans la métropole. Jusque-là, ça va bien, je suis d'accord. C'est dangereux, là. Chaque extrême, il y a aucun extrême qui est correct. Et là, on continue l'article. Salam El Maniaoui, du Conseil musulman de Montréal, a particulièrement dénoncé un récent vidéoclip de Légitime Violence où l'on voit des versets du Coran transpercés d'une balle. Le message est très clair et très troublant, a-t-il déclaré au cours d'un entretien avec la presse. Il n'y a pas de place à Montréal pour ça. Je pense qu'il a raison, hein? Mais je veux pas être plate, là, mais il n'y a pas de place à Montréal, ni au Québec, pour un Salam El Maniaoui. C'est ça le problème. Puis on n'en parle pas dans l'article. Mais Salam El Maniaoui est très, très proche d'Adil Charkaoui du collectif contre l'islamophobie. Là, on essaye de nous faire passer pour une gang de racistes. Là, c'est tout le temps ça. Mais les deux ont milité beaucoup dans les rues quand c'était le temps de la charte. Puis je veux pas être plate, là, mais Salam El Maniaoui, le gars, a prôné le retour des tribunaux islamiques en Ontario. Puis il s'en est pris personnellement, pas physiquement, bien sûr, mais il a dénoncé Fatima Ouda Pépin depuis 2005. Le gars, la religion et l'État, les lois, ne font que un. On ne peut pas séparer les deux. Puis je peux même vous lire de ce que lui pense du Coran et de la charia. Il dit, puis ça je vous le dis, c'est Salam El Maniaoui, là, c'est pas moi qui l'invente. Il dit... C'était d'ailleurs dans la presse. Chaque mot du Coran a été révélé par Dieu à Mahomet. Excluant l'idée que ce livre puisse être imparfait ou appelé à des interprétations, quelqu'un qui dirait croire tout du Coran sauf une ligne ne serait plus musulman. Il en va de même, selon lui, de la charia, la loi islamique, qui est directement inspirée du livre saint des musulmans. sur l'amputation de la main des voleurs. Quant à l'amputation de la main des voleurs, elle a été omise à une époque de famine. Mais en temps normal, on n'a pas le droit de changer la loi qui vient du Coran. Ça, c'est lui qui dit ça, là. C'est pas moi qui l'ai inventé. Sur la lapidation, questionné sur la lapidation, punition traditionnelle de l'adultère, Salam El-Maniawi souligne qu'elle requiert des preuves bétonnées qui rendent son application très rare. Ça, c'est ce qu'il y a. Et sur le djihad, c'est d'une part le droit de défendre notre religion si quelqu'un l'attaque. C'est aussi celui de protéger notre vie, notre honneur et nos biens. Moi, ça fait peur quand j'entends ça, là. C'est parce qu'on le prend comme exemple pour critiquer le groupe d'extrême droite. Tu peux pas prendre quelqu'un pour chialer contre l'extrême droite quand il représente, selon moi, l'islam radical. C'est pas ça. De l'autre bord. Je dis ça de même, là, tu sais. Normalement, choisissez quelqu'un de plus neutre. Ou, au pire, si vous lui parlez, ben, prenez le temps de l'expliquer dans l'article, c'est qui ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, puis il vient de où ce gars-là, là. Faut faire attention, là. D'ailleurs, avez-vous déjà entendu Québec solidaire décrier ce qui se passe avec l'État islamique jusqu'à maintenant? N'a pas entendu même parler pour Québec solidaire de ce temps-ci, là. J'ai vu, par exemple, Françoise David dans ton graphique. Oui, ben oui, Québec solidaire. Ben oui, c'est sûr. Québec solidaire est à la défense d'Adil Sharkawi depuis le début, là. Québec solidaire ont toujours été derrière Adil Sharkawi. Puis j'en ferai la preuve éventuellement. Puis on a quelques petits dossiers là-dessus avec mon ami Richard. Québec solidaire est jamais ben ben loin. T'as la Ligue des droits et libertés également avec Dominique Péchard qui est là-dedans. La Ligue des droits et libertés reçoivent en moyenne, si je me trompe pas, une affaire sur le bord de 100 000 piastres. En moyenne de subventions par année de la poche des gouvernements, puis les gens qui défendent, puis les gens qui prônent la libération, des fois, tu peux te poser quelques questions. Là. C'est des choix assez douteux, merci. Là. Mais est-ce que ces gens-là qui sont dans ton graphique sont tous au courant ou sont juste naïfs? sont tous au courant. Oh oui, non, sont tous au courant. Ils savent très, très bien. Mais c'est un peu comme l'entrevue que Adil Sharkawi a faite avec Anne-Marie Dussault en fin de semaine. Oui. Ce sont des gens qui sont très bons pour dévier le sujet. Ce sont des gens qui sont bons pour répondre par une question. C'est des gens qui sont bons pour... tu leur poses une question. Écoute, toi, ta couleur préférée, c'est-tu le bleu? Puis je peux commencer à te parler d'un voyage où le ciel, à un moment donné, était orange sans nécessairement répondre à la question. Puis en pognant les nerfs, c'est assez intimidant aussi, là. Et tu sais, Adil Sharkawi dans son entrevue là à RDI là, et pognait les nerfs souvent là. Es-tu heureux des fois dans la vie cet homme là? On dirait que l'entrevue là, j'ai skippé que j'étais sorti des extraits là, il est tout le temps fâché. Pognant les nerfs, il est pas capable de répondre à une question calmement. Certainement, je vais répondre à votre question. Non. C'est je suis comme ça, moi. Vous êtes islamophobe. C'est à cause des questions comme vous qui font en sorte qu'il y a beaucoup plus d'islamophobes au Québec. Moi, j'ai une bonne blague pour Sharkawi. Ah ouais, vas-y, tout. Une bonne joke d'État islamiste. Pas une joke d'État islamiste. Ouais. Ah, c'est pas la seule que tu m'as déjà conté. Fait comme si vous savez pas. Ok. Savez-vous c'est quoi la différence entre du thé puis l'État islamiste? Oh, personne le sait. Non. Il y en a pas. Les deux sont anti-Occident.